Une ondine par André Theuriet. Il tombait une pluie battante et, bien qu'on fût en avril, la journée avait été fort maussade. Le vent d'ouest s'engouffrait dans les rues d'Auberive, secouant brutalement les arbres et faisant claquer les volets mal assujettis. Au fond du salon d'une maison située dans le quartier des Corderies, une jeune fille de 19 ans environ promenait languissamment ses doigts sur un vieux piano. Les notes grêles montaient lentement et se mêlaient au bruit que faisait une servante dans la cuisine. Tout en jouant, la jeune fille jetait des regards ennuyés sur les somnolents portraits de famille et le mobilier fané qui garnissait le salon. À la fin, elle abandonna sa sonate, se dirigea vers la fenêtre et appuya son front contre la vitre ruisselante. Au dehors, tout était d'une navrante tristesse. Les jacinthes de la terrasse gisaient noyés dans la terre étrempée. La petite rivière de l'Aubette roulait une eau boueuse. Les toits rayés de pluie dressaient vaguement au-dessus des arbres leurs cheminées, d'où la fumée s'envolait en tourbillonnant. La campagne tout entière avait l'air de fondre en pleurs. La jeune fille revint en frissonnant se rasseoir au piano et commença une valse tapageuse qu'elle interrompit brusquement. Alors, laissant tomber ses mains sur le clavier, puis étirant ses bras avec une violence nerveuse, « Ah, que je m'ennuie ! S'écria-t-elle, « que je m'ennuie !»« Qu'as-tu, ma petite fille ?» demanda la servante, qui apparut soudain, avec ses manches retroussées, son tablier à bavette et son bonnet de linge, dont les brides volaient au vent. Elle était replète, assez fraîche encore malgré ses 40 ans, et ses yeux bleus avaient la douceur et la bonté du regard des génisses. « Qu'as-tu, Antoinette ? » reprit-elle avec une inquiète tendresse. « Céline, » dit Antoinette, en fixant sur la servante ses yeux noyés de mélancolie. « On m'enterrera dès demain si cette pluie continue. »« Ah, l'ennui !» s'écria-t-elle en se levant. « Tout ici en est imprégné, depuis ces sottes fleurs en papier jusqu'à ces lamentables portraits d'ancêtres, dont j'ai parfois envie de crever les toiles pour me distraire. »« Ah, ma mignonne, si ton père avait seulement voulu te conduire chez le notaire ou chez la veuve du maître de forge, il ne manque pas de monde à voir ici. » Mais M. Delisle, avec ses airs cassants, a eu le talent de se mettre à dos toute la société d'Auberive. Il préfère l'auberge de Pitoiset, où il trinque à son aise avec ses bons amis les braconniers. « Pauvre père, » reprit Antoinette en soupirant, « sa vie n'est pas gaie non plus dans ce village. Il regrette le bon temps de Tours et cette belle place qu'il avait. Pourquoi l'a-t-il perdu, sa place ?» s'écria Céline. « Il passait ses journées à la chasse, ses nuits à la bouillotte et le gouvernement l'a remercié. » « Il ne se souciait guère de toi, et depuis la mort de ta mère, si je n'avais été là, tu serais sorti plus d'une fois avec des bottines percées. » La servante haussa les épaules et alla s'accouder sur le piano. « Sais-tu, continua-t-elle, au lieu de se brouiller avec la famille de ta mère, ton père aurait dû te laisser à Paris, près de tes grands-parents, qui auraient fini par te trouver un mari. « Oh !» répondit Antoinette avec un geste de dédain. « Dieu me préserve des maris dénichés par mes grands-parents. » Des employés de ministère, maniaques et grimauds, chauves comme des magots et méthodiques comme des pendules, merci! Je préfère encore la pension de Passy où on m'avait enfermé. Pourquoi ne t'y a-t-on pas laissé alors? Parce que la pension était chère et que nous sommes pauvres, Céline. Pauvre? Répliqua Céline. Oui, maintenant que ton père a mangé tout son pain blanc, il économise sur le pain noir des autres et devient ladre. Et tes grands-parents, ladres aussi, ceux-là. Eux qui n'avaient que ta mère, est-ce qu'ils n'auraient pas pu te garder et payer ta pension? Tiens, ne me parle pas de tous ces gens-là. Ah, Céline, soupira Antoinette d'un air désespéré. Personne ne m'aime. Personne? Cria Céline indignée. Eh bien, et moi? Est-ce que je ne t'ai pas câliné et gâté depuis le jour où je suis entrée chez vous, il y aura 18 ans à la Noël? Quand je t'ai vue dans ton berceau, pâle, maigrelette et si mignonne, avec tes grands yeux, mon cœur a fait un saut. « Je t'ai aimé tout de suite, pauvre négligé. C'était moi qui te bordais dans ton petit lit, moi qui t'habillais en ange au fait Dieu et qui te bourrais de friandises quand ta mère t'avait puni. Personne ne t'aime, ingrate. Eh, si je ne t'avais pas adoré, est-ce que j'aurais refusé 10 fois de me marier ?»« Car, dit Céline en se redressant, j'en ai eu des amoureux et de huppés, mais il aurait fallu te quitter. « Sans toi, est-ce que je serais resté au service de tes parents? Ne dis donc pas que personne ne t'aime, méchante fille !»« Oui, ma Céline, tu m'aimes !» s'écria Antoinette, dont les yeux se mouillèrent, et qui sauta au cou de sa bonne. « Tu m'aimes bien, mais il n'y a que toi. »« Qu'as-tu besoin des autres ? répondit Céline en la baisant au front. « D'ailleurs, tu es aussi M. Ormancet, un bon et brave ami. » Antoinette fit une petite moue dédaigneuse. « Évonime, dit-elle. « Oui, il est drôle parfois. Je me suis amusé un moment à essayer de le rendre amoureux. »« Oh, ma petite fille !» s'écria Céline, scandalisée. « Sois tranquille, reprit Antoinette en riant. Son cœur ne court aucun risque. Trop d'affection y loge en commun. Les fleurs, les oiseaux, les livres. Moi, je veux qu'on m'aime exclusivement. D'ailleurs, Évonime n'est pas l'amoureux que je rêve. Un caractère entier superbe, une volonté de fer que le monde ne pourrait fléchir et qu'un signe de mon petit doigt ferait plier comme un jonc. Voilà l'homme que j'aimerais. Ça, ma fille, c'est le Merle Blanc. Sainte Vierge, j'entends ton père dans l'écurie. Tu m'as fait bavarder et mon souper est en retard. En effet, celui dont on venait de parler annonçait son arrivée par un air de chat sifflé à plein poumon. Mais il ne semblait pas encore disposé à faire son entrée. En maître soucieux de ses intérêts, M. Delisle ne songeait à son dîner qu'après celui de ses bêtes, et sa première visite avait été pour trois magnifiques échantillons de la race porcine, objet de toute sa sollicitude, qu'il n'appelait pas autrement que les camarades. Du fond de l'écurie, on entendait sa voix de basse-taille, à laquelle répondaient de formidables grognements. Quelques minutes après, la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement, et M. Delisle, vêtu d'une veste de velours côtelé, guêtré jusqu'aux genoux et coiffé d'un feutre mou, apparut sur le seuil. « Céline, cria-t-il, si le souper des camarades est prêt, allume la lanterne et apporte le chaudron à l'écurie. » Certes, les belles dames de Tours, auxquelles il avait compté Fleurette à l'époque de sa splendeur, n'auraient guère reconnu dans son costume de campagnard le beau Norbert Delisle, pour qui leur cœur avait battu. Le viveur du temps jadis avait complètement dépouillé sa brillante enveloppe. Fils d'un gros propriétaire d'Aubrive, M. Delisle était arrivé, grâce à sa bonne mine et à la protection des parents de sa femme, à se faire nommer inspecteur des haras, et pendant 20 ans, il avait mené joyeuse vie dans le gras pays de Touraine. Destitué à la suite de quelques fredaines, et forcé de retourner à Aubrive, vivre maigrement des reliefs de son patrimoine, il s'était soudain métamorphosé. Le naturel du paysan champenois, que le vernis parisien n'avait jamais recouvert qu'à demi, était revenu à fleur de peau. Aux premières morsures de l'adversité, sa prudence campagnarde s'était subitement réveillée. La perspective d'une vieillesse besogneuse lui avait donné le frisson, et il s'était mis à compter et à épargner. Il laboura lui-même ses champs, aidé d'un valet de ferme loué à la journée, et il ne rougissait pas d'aller vendre son grain et ses bêtes au marché de Langres. De ses anciennes habitudes, il ne lui était resté qu'un ton tranchant, des allures hautaines et un goût très vif pour la chasse ou plutôt pour le braconnage, car les mauvaises langues prétendaient qu'il chassait plus volontiers dans les bois de l'État que sur ses modestes carrés de terre. Dès que ses bêtes eurent soupé, M. Delisle revint à la cuisine où Céline avait allumé la lampe et dressé la table. Malgré ses 50 ans et un commencement d'embonpoint, il conservait encore bon air. Grand, robuste, bien découplé, il avait l'œil vif, un nez d'aigle et les dents belles sous ses moustaches grisonnantes. On sentait, à son ton et à ses manières, qu'il avait dû être, dans sa jeunesse, un homme à bonne fortune. Il s'était assis près de la cheminée dans un fauteuil en vieille tapisserie. Antoinette vint l'embrasser, puis reprit sa place sur une chaise basse en face de lui. Au milieu, la chaîne de M. Delisle, tant belle, posée sur son arrière-train, partageait son attention entre sa jeune maîtresse et la marmite fumante où cuisait le dîner. « Eh bien, petite, dit M. Delisle à Antoinette, tu ne t'informes pas seulement de ce qui se passe dans le bourg. » Antoinette secoua la tête d'un air indifférent et son père reprit. « D'abord, j'ai rencontré Évonime. Il dîne chez le juge de paix et viendra nous voir tantôt. Et puis le nouveau garde général est arrivé. « Ah !» fit la jeune fille en étouffant un bâillement. « Ressemble-t-il à son prédécesseur ? Jure-t-il entre chaque phrase ? Traîne-t-il à ses talons une meute de chiens crottés et joue-t-il à la bête ombrée ?»« Je te dirai tout cela ce soir, après dîner. Je pousserai jusqu'à l'auberge où il est descendu et si sa figure me va, je l'inviterai à venir nous voir. Il faut toujours être bien avec les forestiers. » Céline, qui trempait sa soupe, grogna sourdement. « La belle avance !» dit-elle entre ses dents. « Il vient déjà ici assez de gens ennuyeux. Vous feriez mieux de conduire Antoinette chez la femme du notaire ou dans quelque maison honorable. Ça lui serait plus sain que de respirer l'odeur du tabac et d'entendre des conversations déplacées. « Silence, Péronnelle !» s'écria M. Delisle. « Ce sont tes réflexions qui sont déplacées. Mêle-toi de tes affaires et donne-nous la soupe. »« La voilà !» grommela Céline en posant rudement sur la table la soupe aux herbes, qui avec un haricot de mouton composait tout le menu. On se mit à table. Antoinette mangeait du bout des dents. M. Delisle dévorait. Au moment où il se versait une dernière rasade, la chaîne aboya. « Voici, Monsieur Evonim, dit Céline, tant belle la flairait. » Elle courut ouvrir au nouveau venu, qui entra au milieu des démonstrations joyeuses de la servante et de Tambelle. Evonim Ourmancet était un grand garçon d'une trentaine d'années. Sa barbe et ses cheveux blonds, son teint rosé, ses yeux bleus limpides, donnaient à sa physionomie une expression naïve et enfantine. Il avait en effet la naïveté de l'âge d'or, bien qu'il fût parisien d'éducation et de naissance. Mais c'était un parisien à qui le monde faisait peur, et qui s'était réfugié dans les bois pour satisfaire son penchant à la rêverie et au vagabondage. Doué d'une vive sensibilité et d'une imagination fantasque, il avait eu dans sa première jeunesse quelques velléités littéraires. Mais soit que la difficulté des débuts eût rebuté sa paresse, soit que les exigences de la vie parisienne eussent effarouché son humeur sauvage, il avait promptement abandonné la littérature pour revenir à la vie contemplative et à la solitude, où son esprit flottant se trouvait plus à l'aise. Il passait une grande partie de l'année dans une ferme située au milieu des bois, à une demi-heure d'Aubrive. C'est là qu'il avait retrouvé Antoinette, dont la famille maternelle était liée avec la sienne. Il venait souvent aux corderies. Antoinette s'amusait de ses façons bizarres, et M. Delisle, le savant riche et libéral, l'accueillait à merveille et le trouvait bon enfant. C'était en effet un grand enfant, amoureux de sons, de couleurs et de rêves. Il était mélancolique, et comme il le disait lui-même, il voyait plus volontiers les larmes que les sourires des choses. Mais sa mélancolie était sereine et expansive. Son cœur s'épanouissait sans défiance. Il comptait au premier passant ses défauts, ses espérances, ses secrets, et même ceux de ses amis. Comme Montaigne, son auteur favori, il avait une merveilleuse lâcheté vers la miséricorde et les mansuétudes, comme lui aussi. Son esprit ne faisait que vaguer, flotter et douter. Mais son scepticisme inoffensif reposait doucement sur un fond de mysticisme, comme un ruisseau qui a couru un moment dans les cailloux et qui arrive à un lit de molles herbes caressantes. Il s'interrogeait, s'étudiait sans cesse, était passionnément épris de la nature et trouvait, pour la décrire, une éloquence parfois un peu précieuse, mais toujours originale. À peine eut-il serré la main de M. Delisle que celui-ci se leva, siffla Tambelle et partit pour l'auberge. Évonime et Antoinette restèrent seuls sous le vaste manteau de la cheminée, dont le brasier éclairait doucement la vieille cuisine, encombrée de meubles et enfumée. « Allons, bel oiseau mélancolique, » dit Antoinette, en tendant coquettement ses petits pieds vers la braise. « Cette pluie funèbre m'a mise à votre diapason. Contez-moi une de vos histoires de cimetière. »« Ne vous moquez pas de mes cimetières, » répliqua ingénument Évonime. « Hier, à Vivet, j'en ai justement vu un qui est charmant et qui m'a fait rêver. » J'ai couché ma rêverie tout au long dans mon journal. » Antoinette sourit. « Il existe donc toujours le fameux journal. Je croyais que vous aviez renoncé à écrire. » « À être publié, oui. À écrire, jamais. » « Je tisse mes vêtements, mais je ne les porte pas en public. » « Le monde peut me croire gueux. Peu m'importe, si j'ai chez moi une garde-robe bien garnie. Quand je suis fatigué d'errer par mon et par vous ou de causer avec mes amis Montaigne et La Fontaine, j'ouvre mon journal et je cause avec moi-même. C'est là que sont notées et numérotées comme de vieilles mélodies mes sensations de chaque jour. Là, je respire d'antiques fleurs, qui, bien que desséchées, ont conservé pour moi un parfum intime et doux. Mon journal me console de ma nullité. Lui et moi, comme les amants dont parle le poète, nous sommes l'un et l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. Dites-moi, Évonime, interrompit Antoinette, pourquoi, avec ses dispositions casanières, ne vous êtes-vous pas marié ? Elle avait appuyé l'un de ses coudes sur ses genoux, et la main sous le menton, elle regardait malicieusement Évonime, qui poussa un soupir. « Mes amis, répondit-il, s'en étonnent comme vous. Mais se marier, c'est fermer sa porte à toutes les songeries inutiles, c'est visiter un pays curieux, escorté du cicérone et en subissant les formules du guide officiel. » Antoinette se mit à rire en agitant au-dessus du brasier son pied à demi-chaussée d'une pantoufle microscopique. Évonime, à la dérobée, lorgnait le joli modelé du talon et la fine cambrure du coup de pied, mais elle ne paraissait pas autrement troublée. « Et puis, reprit-il d'un ton comiquement confidentiel, vous l'avouerai-je, les femmes me font peur. » Les rires d'Antoinette redoublèrent. Elle avança d'un air espiègle vers Évonime sa figure railleuse et murmura « Comment toutes, même moi ? Vous ?» fit Évonime un moment pensif. « Mais oui, vous surtout. La femme est dangereuse et troublante, mais la jeune fille est une redoutable Isis voilée, dont les bandelettes ne se déroulent qu'après le mariage. Alors on s'aperçoit qu'on en a pour la vie, à ses côtés, qui est un ange et qui une oie, celui-ci une nonne et cet autre une furie. « Je voudrais bien savoir ce que je serai moi quand le voile tombera, » s'écria Antoinette. Elle s'est levée brusquement et se tenait plantée devant Évonime d'un air espiègle et provoquant. La flamme du brasier éclairait de bas en haut sa taille svelte et sa poitrine délicieusement accusée par le corsage collant d'une robe de mérinos bleu. Le reste de sa personne demeurait dans une pénombre mystérieuse qui illuminait parfois la tremblante lueur des tisons, et alors on distinguait un cou délicat et l'ovale allongé d'une figure spirituelle que des cheveux crêpés encadraient et qui rappelaient les têtes de l'école de Léonard de Vinci. Évonime, ébahie et muet, admirait d'un air craintif les grands yeux de la jeune fille, sa bouche moqueuse aux lèvres très rouges et aux coins retroussés. « Voyons, » répéta Antoinette en croisant les bras, « dites-moi quel monstre je puis bien être. »« Vous, » répondit-il lentement, « vous êtes une ondine. »« Oui, vous êtes une fille de l'eau. » Vous en avez le charme et la mobilité, les colères soudaines et le calme perfide. Vos yeux verts en ont gardé la couleur inquiétante. Celui que vous aimerez aura besoin d'un cœur solidement trempé. S'il se laisse attendrir un seul moment, miséricorde, je le plains, vous l'entraînerez avec vous dans les abîmes de votre élément paternel. » Il s'arrêta tout à coup en voyant l'expression assombrie de la figure d'Antoinette. Son sourire s'était évanoui et ses yeux étaient pleins de larmes. « Vous me croyez donc bien mauvaise ?» dit-elle d'une voix sourde. À l'aspect de cette brusque métamorphose et de ses larmes sur le point de jaillir, Évonime eut un remords. « Bah, je plaisante » s'écria-t-il en s'efforçant de donner un ton caressant à sa voix rauque. « Seulement, je suis comme l'âne de la fontaine qui veut imiter le petit chien. J'ai la plaisanterie un peu lourde. Pardonnez-moi, et ne me prenez pas au sérieux. » On entendit Tambel gratter à la porte et Antoinette essuya rapidement ses yeux. Monsieur Delisle entra. Il fronçait les sourcils et sifflotait entre ses dents, signe de mauvaise humeur. « Eh bien ?» lui demanda sa fille. « As-tu vu ton garde général ?»« Oui, » grogna Monsieur Delisle. « C'est un singulier monsieur. À peine a-t-il daigné répondre aux avances que je lui faisais. Je ne sais pas où le gouvernement va prendre maintenant ses employés. »« J'en étais sûr, » dit la jeune fille. « Encore quelques sangliers grognons, vieux et laid. Vieux, non ?» 30 ans, la mine sévère et une barbe noire, l'air d'un conspirateur. » La figure d'Antoinette prit une expression moins indifférente, et Évonime demanda le nom du nouvel arrivant. « Il s'appelle Duhou, » répondit M. Delisle. « Duhou, » reprit Évonime en se levant pour partir. « J'ai eu au collège un camarade de ce nom-là. Ce serait bizarre si c'était le même. »« Duhou, » s'écria Antoinette. « Le nom va bien avec le signalement du personnage. Ce doit être un de vos amis, Évonime. Bonsoir. » « Je suis lasse. Je vais me coucher. »